Donc on commence, inshallah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on fait le cours 5 dans l'explication de Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab avec le Sharh de Cheikh Saleh al-Fawzan. Hier on a parlé de al-Kibr, Zikr al-Kibr. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui a rapport avec l'orgueil, l'arrogance, la fierté. Et ça fait partie des péchés parmi les Kaba'ir. Et ça fait partie des Kaba'ir qu'on a dit, ça fait partie des Kaba'ir du cœur. Ok, maintenant on va encore parler d'un autre péché parmi les kaba'ir qui est relié au péché du cœur, et c'est al-ujb. Babun zikr al-ujbi. Al-ujb, yani, comme le frère Islam mentionnait hier, le narcissisme, le fait de s'aimer soi-même ou d'être Abdurrahman, barakallahu fik. Le fait d'être ébloui de sa personne, le fait de s'aimer soi-même, d'exagérer, le fait d'être comme trop ébloui de sa propre personne, ça c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et le cheikh il cite un verset dans le Coran, wa qawlullahi ta'ala, walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie, et ceux qui sont remplis de crainte du châtiment de leur Seigneur. Cheikh Al-Fawzan il explique. Il dit: هذا من صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله في سورة المعارج فقال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون فهم وجلون من عذاب الله ولا يأمنون منه وهم أيضا لا يكتفون بالقول نحن مسلمون قد عملنا أعمالا صالحة فهي تقينا من عذاب الله بل إن من صفاتهم أنهم لا يركنون إلى أعمالهم إنما هم مشفقون من عذاب الله تعالى. Donc c'est la raison pourquoi le cheikh il mentionne que eux ils sont remplis de crainte vis-à-vis du châtiment de leur Seigneur, c'est justement parce que ils se sentent pas en sécurité par rapport aux actions qu'ils ont fait, puis de dire mashallah on a fait des bonnes œuvres, on a fait du bien, donc on est musulman et qu'on est protégé contre le châtiment d'Allah. Non. Malgré qu'ils font toutes sortes de bonnes œuvres, mais en même temps, ils ont peur du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'il cite dans les versets dans Surat al-Ma'arij, versets 19 à 27, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que l'homme, lorsqu'il est touché par un mal, il se plaint, et lorsqu'il est touché par un bien, il refuse de donner aux gens qu'est-ce que Allah lui a donné de sa grâce, excepté ceux qui établissent la salat et qui sont permanents et qui persistent dans leur salat, et ceux qui, dans leur bien, ils donnent une part, bien connue, aux personnes qui ont été qui sont indigents, qui demandent ou qui ont été déshérités, et ceux qui croient au jour de la résurrection, et ceux qui sont remplis de crainte vis-à-vis du châtiment de leur Seigneur. Donc, leur cœur frémisse. Leur cœur frémisse de crainte du châtiment d'Allah. Ils sont pas en sécurité. Ils se sentent pas en sécurité du châtiment d'Allah. Et ils se limitent pas juste à dire on est musulman, on a fait des bonnes œuvres, ça va nous protéger du châtiment d'Allah. Mais parmi leurs caractéristiques, c'est que ils se reposent pas uniquement sur leurs œuvres, mais sur leurs actions. De dire on a fait des bonnes œuvres, ça y est, c'est gagné pour nous. Mais ils ont peur du châtiment d'Allah. Et il dit وَكَذَلِكَ هُمْ إِلَى جَانِبِ طَمَعِهِمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ دَائِمًا مُشْفِقُونَ مِنْ عَذَابِهِ جَلَّ وَعَلَى فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ. Donc le cheikh il explique que en plus d'avoir l'espoir en la miséricorde d'Allah, eh bien ils ont toujours peur du châtiment d'Allah, et donc ils réunissent ces deux caractéristiques, l'espoir et la crainte. Et ça, c'est deux choses que le croyant doit toujours avoir, et c'est des deux états entre lesquels le musulman doit toujours se trouver, c'est-à-dire la crainte et l'espoir. Il dit وفي الآية الأخرى قال تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وفي رواية ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل فهم مع اجتهادهم لا يأمنون من عذاب الله. Donc le cheikh il explique que il y a un autre verset dans sourate Al-Mu'minun, le verset 60, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceux qui donnent ce qu'ils ont donné alors que leur cœur frémisse que à l'idée ou bien à savoir qu'ils vont être ramenés devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils vont retourner devant leur Seigneur. Aïcha radiallahu anha, quand elle a entendu ce verset-là, elle a dit ô messager d'Allah, ceux qui sont décrits dans ce verset, est-ce que ce sont les gens qui boivent de l'alcool, qui volent, c'est-à-dire les gens qui font des grands péchés? Donc ils donnent ce qu'ils donnent, mais leur cœur est rempli de crainte et ils frémissent à l'idée d'être retournés devant Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ô fille de As-Siddiq, mais ce sont ceux qui jeûnent, qui font la salat, qui donnent la sadaqa, qui craignent que leurs œuvres ne seront pas acceptées. Ce sont ceux qui font le jeûne, qui font la salat, qui font la sadaqa, et ils craignent que leurs œuvres ne seront pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des gens, parfois, ils disent, non ça y est, moi j'ai fait des bonnes œuvres, alhamdoulilah, je suis bien avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il n'y a rien qui garantit que leurs œuvres vont être acceptées. Comment ils peuvent être en sécurité du châtiment d'Allah? Donc ils doivent être, comme c'est mentionné dans ce verset là, et avoir peur que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Ceux-là sont ceux qui se précipitent vers les bonnes œuvres et le bien. Et dans une autre narration, mais c'est celui qui fait la salat, qui jeûne, qui donne la sadaqa, et il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avec les efforts qu'ils font, malgré les efforts qu'ils font, eh bien, ils continuent d'avoir la crainte que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Ils ont peur du châtiment d'Allah. Et donc, ils croient, il dit فَهُمْ يَخَافُونَ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ أَمَامَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Donc, ils ont peur de cette rencontre. Le hadith de Aïcha radiallahu anha, il est rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah. Et il est rapporté aussi par Ahmad. Le deuxième hadith, le premier hadith de ce chapitre que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné, c'est un hadith qui est le suivant. Rouya an ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qal al-halaku fi ithnain al-qunut wal-ujb. C'est rapporté où il est dit que Ibn Mas'ud a dit, radiyallahu anhu, la perdition, hein, la perdition est dans deux choses. Al-Qunut, c'est-à-dire de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, et Al-Ujb, d'être ébloui de ses bonnes œuvres et de soi-même. C'est là-dedans qu'il y a la perdition. Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit « La chaque anna al-azab lahu asbabun kathira ». Donc il n'y a pas de doute que les châtiments, ils ont plusieurs causes. « Walakin hatan al-khislatan huma ashaddu sifat al-musabbiba lil-halak ». Mais ces deux caractéristiques-là sont parmi les caractéristiques les plus graves, yani pour lesquelles quelqu'un yani tombe dans la perdition ou qui cause la perdition de quelqu'un. « Falqunut » هو الياس من رحمه الله فهناك بعض الناس الذين قد عملوا اعمالا سيئه ظنوا ان الله تعالى لن يغفر لهم بعد ان تعظمت ذنوبهم وهذا يعني تفكير خاطئ لانه لا ينبغي للانسان مهما بلغت وتعظمت ذنوبه ان يقنط من رحمه الله. Donc le cheikh il dit, le fait de, qu'est-ce qu'on appelle al-qunut en arabe, hein, al-qunut avec le ta à la fin, c'est yani le fait de perdre espoir, de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des gens qui ont fait des péchés, des mauvaises œuvres, et ils pensent qu'ils ne seront jamais pardonnés, hein, après avoir fait ces péchés-là. Ils ont pensé que le péché est trop grave, le péché est trop grand. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils ont pensé que le péché qu'ils ont fait est trop grand, donc que Allah ne pourra pas le pardonner. Et ça, c'est une fausse pensée, une fausse idée. Il dit, ils ont pensé que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur pardonner après avoir fait ces grands péchés-là. Et ça, c'est une fausse, une mauvaise pensée, une pensée erronée. Parce que l'être humain ne doit jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah, peu importe la grandeur de ses péchés, peu importe la gravité de ses péchés, le croyant ne doit jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah. وكذلك لا ينبغي للآخرين أن يحكموا عليه بأنه لا يرحمه الله أو لن يغفر له الله سبحانه وتعالى. Et les autres personnes n'ont pas le droit non plus de juger à propos de cette personne qui a fait ces grands péchés-là, que Allah ne va pas lui faire miséricorde. Hein? Donc ça, c'est une chose qui est très, très importante. Des fois, les gens, ils ont ce qu'on appelle en arabe al-ghayra. Al-ghayra, c'est-à-dire la jalousie, le sens de vouloir défendre l'honneur et de vouloir défendre l'islam jalousement. Hein? Avec jalousie, parce qu'on veut défendre l'honneur de cette religion-là. Et quand on voit quelqu'un qui commet un péché, des fois, ça nous fâche, ça nous dérange, et donc, il y a des gens comme ça. Ils voient quelqu'un qui fait un péché, il dit, ah, lui, là, ça y est, Allah ne va jamais le pardonner. Hein? Lui, il est égaré, ça y est, c'est fini. C'est comme trop grave qu'est-ce qu'il a fait. Donc, on a jugé à propos de la personne en question que ça y est, c'est fini pour lui. Il n'y a plus de miséricorde pour lui. Il n'y a plus de pardon pour lui. Et on ne peut pas dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh, il dit, قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة إلى الله ويرجو المغفرة ولا يقنط من رحمته سبحانه. Donc, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Sourate Az-Zumar, le verset 53, un verset dans lequel il dit, « Dis, ô mon serviteur, qui a été dans l'excès, qui a été dans l'exagération contre son âme, contre lui-même, dans le péché, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. » Ô mon serviteur, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah, certes, pardonne tous les péchés. Allah, certes, pardonne tous les péchés. Il n'y a pas un péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Même le plus grand de tous les péchés, celui que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, il dit, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Même le shirk, si tu te repens, Allah va te pardonner. Hein? Quand il dit il ne va pas le pardonner, le shirk, il parle de ceux qui meurent sur le shirk, sans s'être repenti. Mais celui qui s'est repenti du shirk avant sa mort, eh bien c'est sûr que Allah va lui pardonner, parce qu'Allah pardonne tous les péchés, sans exception. Peu importe la gravité. Hein? Des fois, il y a des gens qui disent, ah oui, mais un tel, il a tué 1 million de personnes. Hein? Il a tué 2 milliards de personnes. Celui qui a pesé sur le bouton pour faire tomber Hiroshima, si il, avant de mourir, il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il fait pas de shirk, eh ben, il sera pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala si Allah veut. Donc c'est pour dire, tu peux pas dire la gravité d'un péché, tu dis ah ça c'est trop grave comme péché, c'est pas possible qu'Allah le pardonne. Hein? Comme l'homme qui avait tué 99 personnes. Puis après, il est allé voir un adorateur et lui a dit, est-ce que moi je peux me pardonner? Est-ce que moi je peux me repentir? Est-ce que Allah peut me pardonner? Il a dit, non, tu as tué 99, c'est trop grave, tu ne pourras jamais être pardonné. Il l'a tué, ça a fait 100. Hein? Ça a fait 100 personnes. Après, il a dit à un savant, il est allé voir un savant, il a dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que je peux être pardonné? Il a dit, oui, tu peux être pardonné. Il peut y avoir une repentance pour toi. Il lui a dit, va adorer Allah à tel endroit, avec les gens qui adorent Allah. Hein? Et puis, il s'est dirigé vers là-bas, et puis, il est mort, et puis on dit que les anges de la miséricorde l'ont pris. Quand il est mort en chemin. Donc c'est pour dire que peu importe la gravité, tu dis ah il a tué 100 personnes, c'est trop grave comme crime. Hein? S'il se repent, Allah va le pardonner sans problème. فَعَلَى الْإِنْسَانَ يُبَادِرْ بِالتَّوْبَةِ. Donc l'homme doit se précipiter, se dépêcher à faire la repentance. وَيَرْجُو الْمَغْفِرَةَ, et d'espérer يعني, le pardon. وَلَا يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَتِهِ, et il ne doit pas perdre l'espoir en sa miséricorde. وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يُصِيبَهُ الْعُجْبَ بِعَمَلِهِ. De même que le contraire aussi, ce n'est pas correct. L'homme ne doit pas être ébloui de ses œuvres, de ses bonnes œuvres. Hein? Et il dit فَيَعْتَقِدْ أَنَّهُ أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. Il pense que ça y est, il a fait ce qui était obligatoire pour lui comme bonne action, que ça suffit maintenant. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire, ah, mais moi je fais mes salawat, je fais mes actes obligatoires, je fais ça, d'accord, je fais ci, je fais ça, donc moi je suis dans la miséricorde d'Allah. Ça y est. Hein? Et ça c'est grave de penser que t'es correct, hein? T'as fait les bonnes œuvres, que c'est fini pour toi. بل عليه أن يعتبر نفسه مقصرا. Tu dois toujours te sentir comme si tu as des manquements, que tu n'as pas fait assez pour plaire à Allah, puis pour te rapprocher d'Allah. Que tu as toujours un manque, qu'il faut toujours que tu sois meilleur, que tu t'améliores. وأن لا يأمن من عذاب الله. Et tu ne dois pas non plus te sentir en sécurité du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de penser que tu es protégé contre son châtiment. Il dit ensuite le cheikh, والافضل ان يجمع بين الخصلتين معا وهما الطمع في رحمه الله والخوف من عذابه. C'est-à-dire que le mieux c'est de réunir ces deux caractéristiques, d'avoir peur du châtiment d'Allah et d'espérer en sa miséricorde. Tu as ces deux caractéristiques en même temps. Et عليه أن يكون بين الخوف والرجاء فلا يرجو فقط كما هو عليه حال المرجئة القائلين بأن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان لأنه بزعمهم لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينبغي للمرء أن يقنط من رحمة الله بسبب ذنوبه فيعتقد أنه قد هلك كما هو حال الخوارج الذين يقولون إن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فقد خرج من الإسلام. Donc le cheikh il dit que Donc, tu dois être entre la crainte et l'espoir. Tu ne dois pas perdre l'espoir seulement. Tu ne dois pas seulement te reposer sur l'espoir seulement. Tu dis, tu dis, ah, mais Allah, il va me pardonner. J'ai fait des bonnes œuvres et ça suffit. Hein, tu as juste l'espoir en la miséricorde d'Allah. Donc, tu risques de tomber dans le péché ou de te laisser aller dans l'égarement sans faire attention. C'est comme l'attitude des Murji'a. L'attitude des Murji'a. Ils disent les œuvres ne font pas partie de la foi ou n'ont pas de lien avec la foi. Donc peu importe qu'est-ce que je fais, ça va pas nuire à ma foi. Ça c'est ce qu'ils pensent. Et il faut pas non plus que tu sois dans la caractéristique contraire, c'est-à-dire que tu perds tu perds l'espoir en la miséricorde d'Allah parce que tu as fait trop de péchés. Tu penses que tu as péri, que tu es perdu, que c'est fini, hein, que tu vas être châtié, c'est certain que tu vas en enfer. Et ça, c'est l'attitude des Khawarij. L'attitude des Khawarij qui considèrent que si tu as commis un péché parmi les grands péchés, tu es sorti de l'islam. Tu es devenu un mécréant, kafir. Donc ça, c'est grave. Le Cheikh, il dit, fa'ala l'insan. أن يتجنب هذين المذهبين الفاسدين وذلك بأن يسير على ما سار عليه أهل السنة والجماعة من الجمع بين الخوف والرجاء فهم يخافون من ذنوبهم ويرجون رحمة الله. Donc l'homme doit être, il doit s'éloigner et s'écarter de ces deux voies, de ces deux madhhab, de ces deux voies d'égarement et de corruption. Et ça, c'est en suivant la voie que les gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a ont suivi. C'est-à-dire de réunir entre la crainte et l'espoir. Et donc, ils craignent leur péché et ils espèrent en la miséricorde d'Allah. Ça, c'est la voie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et c'est la voie des messagers. Hein? Le Cheikh dit, « Fahum la yakhafuna » خوفا يقنطهم من رحمة الله ولا يرجون رجاء يؤمنهم من عذابه. C'est-à-dire que ils ne craignent pas d'une crainte qui les fait perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah et ils n'espèrent pas d'un espoir qui les font se sentir en sécurité du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh il dit ensuite un autre hadith. Le Cheikh il mentionne un autre hadith. An Abi Bakra radiyallahu anhu anna rajulan dhukira 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa athna 'alayhi rajulun khayran. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: "Wayhak, qata'ta 'unuq sahibik." Raddadahu miraran, thumma qala: "In kana ahadukum madihan la mahala, falyaqul ahsibuhu kadha wa kadha." وإن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا رواه البخاري ومسلم. C'est un hadith rapporté selon Abi Bakra radiyallahu anhu qu'un homme était auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit du bien d'un autre homme. Il a dit du bien d'un autre homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à toi, tu as coupé le cou de ton frère en faisant son éloge et en le glorifiant comme ça devant sa face. Et il a répété ça plusieurs fois. Alors il a dit, si tu dois absolument faire des éloges de quelqu'un, alors dis, je pense qu'il est de telle ou de telle façon. S'il voit que la personne est telle qu'il le décrit, il dit et Allah le jugera et je ne vais pas recommander ou purifier quelqu'un par-dessus Allah. Donc c'est comme ça que tu dois dire. Yani ahsibuhu kadhalik, tu dis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ahsibuhu kadhalik. Wallahu hasibuhu wa la uzakki 'ala Allah ahada. Tu vois, je pense qu'il est comme ça et Allah va le juger et je ne vais pas purifier ou recommander quelqu'un au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. الشيخ الفوزان اللي يكسفلك حديث لا يلدي في هذا الحديث أن من أسباب العجب المدح. Dans ce hadith, il y a l'explication que parmi les causes de la personne qui s'éblouit elle-même et qui se pense en sécurité du châtiment d'Allah, c'est le fait de faire des éloges et d'exagérer dans les éloges qu'on fait à quelqu'un. حينما يمدح إنسان شخصا آخر في وجهه. Lorsque tu fais des éloges de quelqu'un dans son visage, dans sa face. Il dit فإن هذا من شأنه أن يجعل الممدوح يتعظم في نفسه ويعجب بعمله. Parce que ça va faire que la personne que tu glorifies, la personne de qui tu dis du bien devant sa face, elle va commencer à être yani se penser importante et elle va commencer à yani être éblouie d'elle-même puis de se glorifier elle-même peut-être. Et il dit وَلِهَذَا يُكْرَهُ ذَلِكَ. C'est pour ça que ça c'est quelque chose de détestable. وَأَمَّا الثَّنَاءَ عَلَى الشَّخْصِ فِي حَالِ غِيَابِهِ فهو يدخل في باب الذكر الحسن بخلاف ما إذا كان الشخص موجودا فهذا لا يجوز. Le cheikh il dit de faire l'éloge de quelqu'un dans son absence, ça c'est correct, tu peux faire l'éloge de quelqu'un dans son absence, mais le problème c'est lorsque tu fais l'éloge de quelqu'un dans son visage, ça c'est pas permis. Il dit لأنه يكون سببا لإعجاب المرء بنفسه. C'est parce que ça va faire que la personne va être trop éblouie d'elle-même. Et il dit ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي مدح رجلا آخر. Et c'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم a critiqué et a condamné la personne qui avait glorifié ou fait l'éloge de l'autre dans son visage. وقال له ويحك قطعت عنق صاحبك. Malheur à toi, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as coupé le cou de ton frère. يعني أهلكته بمدحك إياه. Tu l'as fait périr, tu l'as fait tomber dans la perdition en le glorifiant de cette manière. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يكره مثل هذا السلوك ولهذا حينما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى قالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمدح بحضوره أو في وجهه فكيف بمن دونه. Donc le cheikh il dit le prophète صلى الله عليه وسلم il détestait ce genre de comportement et cette conduite, et lorsque quelqu'un est venu devant lui et a dit tu es notre maître, tu es notre sayyid, notre chef, celui qui est le plus important parmi nous, et il a dit as-sayyidullah, le maître c'est Allah, le sayyid c'est Allah, c'est pas moi en voulant dire, et ils ont dit tu es le meilleur parmi nous en mérite et le plus grand d'entre nous. Il a dit dites ce que vous dites ou une partie de ce que vous dites, mais ne vous laissez pas aller par le shaitan, ne vous laissez pas encourager par le shaitan. C'est rapporté par Ahmad et Abu Daoud, un hadith de Abdullah ibn Shikhir, et il dit le cheikh que ça c'est le messager lui-même, il a interdit qu'on le glorifie en sa présence de cette façon là devant son visage. Si c'est lui, imaginez quelqu'un d'autre. Si lui, il n'aime pas qu'on le glorifie devant sa personne, imaginez quelqu'un d'autre qui est moindre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالإنسان ضعيف. L'homme, il est faible. لأنه إذا ما مدح في وجهه كان ذلك سببا لدخول العجب في نفسه. Donc, si l'homme est glorifié devant sa personne, devant son visage, eh bien, ça va faire rentrer en lui l'éblouissement, l'amour de sa personne, des choses de ce genre. وبالتالي انعكس ذلك على عمله. Et puis ça, ça va retomber contre ses actions par la suite. ولهذا جاء في الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. Il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de lancer de la poussière ou de la terre sur le visage des gens qui font des glorifications exagérées déjà. Donc quand tu vois quelqu'un qui te fait des éloges ou qui exagère dans la glorification, tu lui prends de la terre, tu lui jettes au visage. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le cheikh, ça c'est rapporté par l'imam muslim selon Al-Miqdad ibn al-Aswad. Le cheikh, il dit, وَغَالِبُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ الْمُتَمَلِّقُونَ. Hein? La plupart des gens qui font des éloges exagérés de quelqu'un, c'est les hypocrites. Hein? Ils te voient, ils disent, ah, oh, mashallah, oui, lui, mashallah, il est bien et tout et tout. Souvent, il y a quelque chose caché derrière toutes ces éloges. Hein? Tu ne sais pas pourquoi la personne a fait ça. Des fois, c'est pas nécessairement qu'elle pense qu'est-ce qu'elle dit, hein? C'est parce qu'elle veut quelque chose en arrière. Donc, fais attention à ceux qui te font des éloges constamment, là, hein? Et qui te mettent sur un piédestal tout le temps. Il dit ولهذا قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ثم قال جل وعلا والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Le cheikh, il cite le verset dans Surat al-Munafiqun, les hypocrites. Il dit, si, lorsque les hypocrites te viennent, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Puis Allah, il dit, ce qui signifie, Allah sait, certes, que tu es son messager, et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Puis ensuite, il dit, ثم قال تعالى, اتخذوا أيمانهم جنة أي سترة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذه هي صفات المنافقين وأهل التملق فينبغي الحذر منهم وعدم السماح لهم في التمادي بهذا السلوك المنهي عنه وهذا من جانب. Donc le cheikh il dit, et après Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils ont pris leur témoignage comme yani un bouclier ou comme quelque chose qui les protège, alors ils ont utilisé ça comme une raison ou comme un prétexte pour obstruer le chemin d'Allah. Et comme est mauvais ce qu'il faisait. Ça, c'est des caractéristiques des hypocrites, les gens qui essaient de glorifier les gens pour obtenir quelque chose d'eux ou bien profiter d'eux ou des choses de ce genre. Il dit, il faut faire attention donc à ces gens-là et ne pas leur permettre de persister et de continuer dans leur conduite qui est interdite. Ça, c'est d'un point de vue. Il dit, وَمِنْ جَانِبٍ آخَرَ فَإِنَّهُ حِينَمَا يَمْدَحُ إِنسَانٌ آخَرَ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ زَكَّاهُ عَلَى اللَّهِ. D'un autre point de vue, quand quelqu'un glorifie une autre personne, c'est comme si elle lui fait une recommandation par-dessus Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est comme si elle l'a purifié par-dessus Allah subhanahu wa ta'ala. Elle lui a mis son étampe, hein, que yani, elle est correcte. Par-dessus, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a su de cette personne. Et il dit, وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ حَالِهِ مَا لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٍ. Et Allah connaît de la réalité de l'état de cette personne, ce que personne d'autre ne connaît à son sujet. Hein? فَمَنِ الَّذِي يَعْلَمُ بَعْضِنَ النَّاسِ إِلَّا اللَّهِ. Qui connaît l'intérieur et qu'est-ce qui est caché des hommes, excepté Allah جل وعلا. ومن الذي يعلم حقيقة صدق أعمال الخلق من حيث كونها صادرة لوجه الله أو العكس إلا الله سبحانه وتعالى. Et il dit le cheikh, et qui est-ce qui sait par rapport aux œuvres des gens, est-ce qu'ils sont réellement, ceux qui font ces œuvres, les bonnes œuvres, est-ce qu'ils les font réellement avec sincérité et qu'ils les font réellement dans le but de plaire au visage d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le contraire. Il n'y a personne qui sait excepté Allah. Hein? Il n'y a personne qui sait la personne qui a fait des bonnes œuvres, est-ce qu'elle l'a fait uniquement pour le visage d'Allah ou pour quelque chose d'autre. Hein? C'est ultimement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ça seulement. Ou min haythu kawniha mutaqabbilatan aw la. Et, ou bien, on peut dire aussi que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait si les actions de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce que Allah va l'accepter ou non. ففي حال مدحنا لشخص نكون قد زكيناه على الله. Donc quand on glorifie quelqu'un, c'est comme si on l'aurait purifié, hein, pour Allah. C'est comme on l'aurait purifié pour Allah, ou par-dessus Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit فإذا كان لا محالة من المدح والثناء فينبغي أن يكون ذلك في غيبته. Donc si on doit absolument glorifier quelqu'un, ça doit être en son absence. Ça doit être en son absence. Pas quand il est devant toi, mais en son absence. فيقال أحسبه كذلك والله حسيبه لأن الله هو الذي يحسبه ويعلم أعماله. Donc tu dois dire, je pense qu'il est ainsi, et Allah c'est lui qui va le juger, parce que c'est Allah qui va juger ses actions et qui connaît ses actions. ويعلم نيته ومقاصده. C'est Allah qui connaît ses intentions et qu'est-ce qu'il a voulu, hein, dans son acte. وهذا هو التأدب مع الله. Et c'est ça le bon comportement à avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on parle de quelqu'un. فَلَا يَنْبَغِي تَزْكِيَةَ أَحَدٍ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَيَقُولُ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Donc on n'a pas le droit de glorifier quelqu'un ou de purifier quelqu'un ou de faire la recommandation de quelqu'un sur Allah, hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32 dans Surat al-Najm, ce qui signifie ne vous purifiez pas vous-même. والحاصل أن المفهوم من هذا الحديث النهي عن الإفراط في مدح الآخرين لأنه لا يؤمن عليهم من دخول العجب إلى نفوسهم واعتقادهم بأنهم يستحقون ذلك. Donc le cheikh il dit, donc qu'est-ce qu'on peut dire en résumé par rapport à la compréhension de ce hadith? C'est l'interdiction d'exagérer dans la glorification des autres, parce que personne ne peut garantir ou protéger ou faire en sorte que la personne ne soit pas éblouie par elle-même, hein, et que le ujb va pas rentrer dans leur âme. Et il dit wa'tiqad bi annahum yastahiquna dhalik, et de croire qu'ils méritent ces glorifications-là. Ça peut après les amener à perdre leurs œuvres, à perdre leurs actions. Et ça peut faire en sorte que ces gens-là ne vont pas faire des bonnes œuvres par la suite, parce qu'ils vont se baser sur ce que les gens leur ont fait comme glorification. Ah, les gens ils m'ont dit du bien de moi, donc je suis correct maintenant, hein, je suis un bon musulman. Naam. Un autre hadith qui est dans le chapitre. Naam. Il reste deux hadiths. Un autre hadith dans le chapitre, il dit wa li Ahmad bi sanadin jayyidin an al Harith ibn Muawiyah annahu qala li Umar رضي الله عنه إنهم كانوا يراودونني على القصص فقال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا فيضعك الله جل وعلا تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. Hey, نعم. Donc le cheikh il explique que ça c'est rapporté par l'imam Ahmad avec la chaîne de transmission selon elle est bonne, il dit elle est une bonne chaîne de transmission selon Al-Harith ibn Muawiyah. Il dit à Omar radiyallahu anhu que les gens, il lui faisait des éloges, hein, il lui demandait de faire des exhortations et de raconter des exhortations pour les rappeler d'Allah, des choses de ce genre. Et il dit, donc Omar lui a dit, je crains que tu vas leur faire ces exhortations, mais tu vas leur raconter ces histoires, puis que ces glorifications qu'ils te font yani, prennent le dessus sur toi. Donc tu vas continuer à leur raconter des choses, puis ils vont yani, ça va te faire te sentir que tu t'élèves toi-même jusqu'à ce que tu penses que tu es au-dessus d'eux. Et Allah, au jour de la résurrection, va te mettre en dessous de leurs pieds, hein, selon la proportion de qu'est-ce que tu as yani, eu comme yani, ce genre de glorification. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça plus en détail. Il dit في هذا تحذير للوعاظ والدعاة أن لا يعجبوا بأنفسهم. Donc ça c'est un rappel, une mise en garde pour les gens qui font des exhortations et qui font la da'wah, de ne pas être éblouis de leur propre personne. وأن لا يعجبوا بوعظهم وكلامهم, et de ne pas être éblouis eux-mêmes de leurs paroles, de leurs exhortations. لأنهم إذا لم يتعب إذا لم يب يبتعدوا إذا لم يبتعدوا عن هذا الإعجاب فإن ذلك من شأنه أن يكسبهم ترفعا على الناس. Il dit parce que si ils ne s'éloignent pas de cet éblouissement, eh bien ça va faire quoi? Ça va faire qu'ils vont penser qu'ils sont au-dessus des gens. Il dit فهذا رجل قال لعمر إنهم يراودونني على القصص والمراد بالقصص هنا الوعظ فقال له عمر رضي الله عنه أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك فقد خشي عليه عمر أن يبادر إلى ذلك فيقص عليهم وبالتالي يتولد عنده إعجاب بنفسه فيترفع عليهم فيضعه الله يوم القيامة تحت أقدامهم مجازة له على هذا الترفع والكبر. Donc il dit que c'est un homme qui a dit à Omar que les gens l'élevaient ou bien l'amenaient à raconter des choses ou parler, faire des exhortations ou parler de la religion. Et il dit que Omar lui a dit, je crains que ce que tu leur dis, ça va t'amener à te penser au-dessus d'eux dans ta personne. Et je crains, donc Omar il craignait ça pour lui. Et il dit que ça va lui causer l'idée de se penser et de s'éblouir de sa propre personne, puis de s'élever sur eux, puis qu'à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, va le mettre en dessous de leurs pieds, hein, pour le punir de s'être élevé et de s'être rempli d'orgueil. Il dit وَلِهَذَا يُرْوَى عَنْ عُمَرِ ابْنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ أَوْ خَطَبَ فَأَعْجَبَهُ كَلَامُهُ يعني كلامه فسكت وقطع حديثه خشية على نفسه من العجب. سبحان الله. عمر بن عبد العزيز رحمه الله. Quand il parlait ou qu'il faisait un discours ou un sermon et qu'il était ébloui par sa parole, il trouvait qu'il parlait, il avait dit une bonne parole ou il avait bien parlé, il s'arrêtait, il se taisait, puis il arrêtait tout de suite son discours parce qu'il avait peur pour lui-même d'avoir de l'éblouissement pour sa personne. Subhanallah. Et il disait Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi. Oh Allah, je te demande la protection contre le mal de moi-même, hein, contre le mal qui est en moi-même. Donc al-ujub, ça fait partie des péchés graves. Il dit, et ça c'est une exhortation pour les du'at, et les gens qui font la da'wa, et les gens qui font l'exhortation. Le cheikh il dit fa'ala du'at والوعاظ أن يستشعروا هذا الأمر وأن لا يصيبهم العجب بكلامهم وأسلوبهم في الخطابة والوعظ. Donc il ne faut pas qu'ils soient éblouis par eux-mêmes, comment ils parlent, comment ils font l'exhortation, parce qu'ils arrivent à exhorter les gens bien, à leur parler bien, à faire des beaux discours, hein. Et il dit وبسبب إقبال الناس عليهم, et le fait que des gens viennent, beaucoup de gens viennent pour les écouter. وبكثرة من يحضر عندهم, et par le grand nombre de personnes qui sont présentes à leur cours ou à leur discours ou à leur conférence ou des choses de ce genre. Il dit بل عليهم الالتزام بالتحلي وبالتواضع والاعتراف بالتقصير. Et donc ils doivent être conscients que yani, ils doivent être modestes et ils doivent reconnaître leurs manquements, leurs limites. Et des fois c'est vrai, il y a des frères, yani, quand quelqu'un fait la da'wa ou fait quelque chose dans la religion, les gens ils l'élèvent trop. Hein, exagéré, ils le mettent sur un piédestal, exagéré, et ils font son éloge devant lui, et puis aussi, subhanallah, ils sont rapides à élever quelqu'un, subhanallah. Donc, on a vu plein d'exemples comme ça, puis ça peut arriver à n'importe qui. Si la personne, elle fait pas attention, elle entend les gens qui l'élèvent, qu'ils font sa glorification, ça peut jouer même avec sa tête, puis le faire penser qu'il a atteint un degré, qu'il est arrivé, ou qu'il commence à être ébloui par sa propre personne. Donc il faut vraiment faire attention, parce que ça aussi c'est une porte par laquelle le shaitan peut rentrer facilement pour égarer quelqu'un. Et il dit « Wa an yaraw anna kalamahum hada innama huwa qalil » Donc on doit considérer que qu'est-ce qu'on fait pour la da'wa, qu'est-ce qu'on fait comme rappel, que ça c'est peu. Que ça c'est peu. Il y en a rien, comme si en voulant dire, faut pas penser que qu'est-ce qu'on a fait, on a fait quelque chose de grand. On n'a rien fait. Notre travail, c'est petit. Hein? Et il dit, وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الْحَدِّ الْمَطْلُوبِ. On n'a pas encore fait tout ce qu'on devrait faire. Et ça, c'est la réalité. Si on regarde qu'est-ce qu'on fait à côté de qu'est-ce qu'on était supposé de faire, et qu'est-ce qu'on devait faire comme obligation dans la religion d'Allah, on voit que franchement on est loin de l'idéal, on est loin de qu'est-ce que on était supposé de faire. Wa annahum ma zalu yajhaluna akthar mimma ya'malu mimma ya'lamun. Et il faut se dire que ce qu'on ignore est plus que ce qu'on sait. Ce qu'on ignore est plus que ce qu'on sait dans la religion d'Allah. Et faire comprendre ça aux gens aussi. Parce qu'il y a des gens, comme je disais ça des fois à des frères, si nous on a étudié à Médine, on est allé étudier en Arabie Saoudite, on a appris un peu des choses sur l'islam avec des savants. Les gens, ils veulent peut-être, on revient dans un pays comme le Canada ou bien les États-Unis ou l'Europe, et dans la société dans laquelle on est, les gens sont très loin de la science, très très loin des ulama. Donc, quand ils voient une personne qui a juste un peu de science, ils s'imaginent que c'est le savant de la dunya, que c'est lui qui a le ilm du monde entier. Alors qu'en réalité, s'il se met à côté des tullab al-ilm et des ulama, il est peut-être très très très petit comme ça devant eux, à côté d'eux. Donc c'est pour dire, des fois ça a rapport avec l'environnement ou le contexte. Hein? Comme on dit, il y a un proverbe, je ne sais pas si vous connaissez, mais en français on dit souvent, au pays des aveugles, le borgne est roi. Qu'est-ce que ça veut dire, au pays des aveugles, le bon est roi? Ça veut dire que si tout le monde, par exemple, est aveugle, mais toi, tu as juste un œil, t'es déficient, hein? Mais étant donné que tout le monde est aveugle, mashallah, tu dis, moi j'ai un œil, donc tu penses que tu es mieux que tout le monde. En réalité, si tu vas aller avec les voyants, les gens qui ont deux yeux, là, c'est toi qui... Tu réalises que c'est toi en fait qui est déficient, c'est toi. Donc le fait d'être parmi des gens parfois qui ont peu de science, ça te fait parfois imaginer que t'as beaucoup de science, mais en réalité t'as rien du tout. Donc c'est des choses très importantes à comprendre. Et aussi les gens ils doivent comprendre. Cheikh Al-Fawzan, dernièrement j'écoutais une fatwa de Cheikh Al-Fawzan, il disait des fois il y a des gens, par exemple, ils connaissent les fatwas des ulama. Et nous, on retourne vers ces gens-là pour leur demander des explications sur la religion, puis ils nous répondent selon les fatwas des ulama qu'ils ont apprises. Donc est-ce que ça c'est correct? Le Cheikh Al-Fawzan a dit, tant que les ulama sont là et que les moyens de les contacter sont présents, il faut aller directement aux ulama et pas passer par d'autres personnes. Parce que, en même temps aussi, la personne qui connaît les fatwas des ulama, peut-être qu'il a mal comprise la fatwa. Ou peut-être qu'il a lu la fatwa, mais que lui, il va l'appliquer sur quelque chose, ou à un contexte, alors que les conditions ou les règles, les choses qui sont reliées à cette fatwa, elles sont différentes que celles qui étaient de la situation dans laquelle la personne est. Il y a des éléments qui sont différents, qui font que la fatwa s'applique pas telle quelle. Et la personne, elle comprend pas ces différences-là. Donc, elle applique la fatwa sur la situation alors que ça s'applique pas telle quelle. Donc, dans ce cas-là, toi, tu vas induire les gens en erreur à cause de ça. Donc, le mieux, si Yanné, c'est de retourner au ulama directement et d'essayer de leur poser tes questions si tu peux directement. Ça, c'est l'idéal. Et non pas de passer par quelqu'un qui va te répondre selon les fatwas des ulama et que peut-être lui-même il n'a pas compris comme il faut. Oui, c'est ça, exactement. Des fois, il y a des gens, pareil, même les livres de fatwas, il faut faire attention. Quand il y a des frères, parfois ils lisent des livres, des fatwas, des gens ont posé des questions aux ulama, puis les ulama ont répondu à la question. Eux, ils lisent la fatwa et disent « Ah, le cheikh, il a dit à la personne qui a posé telle question, il a répondu telle chose. » Et lui, il se base sur ça. Il ne sait pas que peut-être dans la question, il y avait un détail différent de qu'est-ce que lui, il a comme situation, et que le cheikh a répondu de telle façon par rapport à la question, mais que si c'était sa situation exactement, le cheikh aurait répondu différemment. Donc, il faut faire attention à façon, surtout dans certains sujets en particulier, il ne faut pas essayer de les appliquer soi-même, les fatwas. En particulier, les questions de divorce, les questions de mariage, des sujets qui sont plus difficiles comme ça. Il ne faut pas rentrer et essayer de les appliquer soi-même, ou bien les questions qui ont rapport au takfir ou des choses comme ça. Parce que ça aussi, c'est des choses très pointillées et très difficiles parfois à comprendre comme il faut. Le cheikh, il dit ensuite... والتركيز هنا على الوعاظ والدعاة والخطباء دون غيرهم لأنهم من أكثر الناس عرضة للمدح والثناء وإطراء المتملقين. Il dit pourquoi on se concentre ici en particulier sur les gens qui font l'exhortation, qui font la da'wa, qui font la khutba et d'autres, yani en dehors des autres. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont le plus susceptibles d'être glorifié et d'avoir l'éloge des gens et d'avoir l'exagération de l'éloge des gens envers eux. Il dit فهذا عمر رضي الله عنه كان قد نصح هذا الرجل وهو لم يمنعه من ممارسة الوعظ والقصص ولكنه أوصاه بأن لا يعجب بنفسه بسبب إطرائهم وثنائهم عليه فيصيبه العجب جراء ذلك. Donc le cheikh il dit Omar radiallahu anhu a donné nasiha à cet homme et il ne lui a pas interdit de pratiquer l'exhortation, de parler, d'expliquer aux gens, mais il lui a donné comme conseil de ne pas être ébloui par ses propres œuvres. Et que à cause de ça, à cause des éloges des gens, eh bien il va être ébloui par soi-même. Puis il dit ثم يترفع على الناس حتى يكون أبعد من الثريا ارتفاعا في نفسه. Et que par la suite, à cause de ça, il se sent élevé par-dessus les gens. لأن il se sent élevé par-dessus les gens. Il dit ثم يكون ذلك سببا لأن يضعه الله يوم القيامة تحت أقدامهم. Puis ça va être la cause que au jour de la résurrection, eh bien Allah va lui mettre en dessous de leurs pieds. Il dit ولأنه جاء في الحديث يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار. Subhanallah. Les gens, il dit qu'il y a un hadith qui dit que les gens C'est rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi selon Abdullah ibn Amr. Les orgueilleux, les gens fiers et orgueilleux, ils vont être au jour de la résurrection ressuscités. Ils vont être ressuscités au jour de la résurrection comme des poussières, comme des graines ou des choses très petites. Et les gens vont être plus grands que eux, vont être au-dessus d'eux parce qu'ils vont être très petits. C'est comme si Allah va les faire ressusciter minuscules. Ils vont être minuscules, subhanallah. Il dit le cheikh, et on finit avec ce hadith, Al-Bayhaqi, il rapporte un Anas, marfou'an, law lam tuznibu la khiftu alaykum ma huwa ashaddu min thalika, al-ujb. Donc Anas, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous ne faisiez pas de péché, j'aurais craint pour vous ce qui est plus grave, hein, c'est-à-dire al-ujb, le fait d'être ébloui par vous-même. Et le cheikh il dit, wa min hikmatillah jalla wa ala annahu ja'ala al-insan yuznib fal-muslim aw al-mu'min yaqa'u minhu adh-dhanb wa fi hadha hikma لأن المؤمن كلما وقع منه ذنب تواضع وخاف من الله سبحانه وتعالى. Il dit, ça veut dire quoi ça? Il dit, ça fait partie de la sagesse d'Allah que l'homme fait des péchés. Ça fait partie de la sagesse d'Allah que l'homme commette des péchés. Donc il dit, le musulman ou le croyant, il va tomber dans des péchés. Et ça fait partie, il y a une sagesse là-dedans. Et la sagesse dans ça, c'est quoi? C'est que chaque fois que le croyant va tomber dans un péché, il va devenir humble et il va craindre Allah pour son péché. Tandis que si quelqu'un est toujours en train de faire des bonnes œuvres et d'être pieux et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il commence à se dire, ah, mashallah, moi je suis un homme pieux, je suis un saint, hein, je fais pas de péché, je fais jamais de péché, je suis au top. Et s'il fait des péchés par la suite, hein, ça veut pas dire aller faire des péchés, ça ne veut pas dire c'est correct de faire des péchés, faire des péchés. Non, mais si les péchés se produisent, il y a une sagesse là-dedans. C'est ça que ça veut dire. Mais après, il faut se repentir. Il ne faut pas, tu dis, là, j'ai fait le péché, ça y a une sagesse, et que tu continues à faire le péché. Non, tu dois te repentir de ce péché-là. Hein? Parce que Allah est pardonneur et il aime pardonner. Hein? Et il dit, le cheikh, fasse de nous. نعم إذا لأن المؤمن كلما وقع نعم فالذنوب إذا كانت سببا للتوبة والخوف من الله جل وعلا فإنه يترتب عليها مصلحة للمسلم والمؤمن. Il dit parce que les péchés, si elles sont une cause pour la repentance et la crainte d'Allah, donc il y a un bienfait qui découle de ces péchés-là. Hein? Des fois quelqu'un il adore Allah mais pas tellement fort. Il adore Allah mais un peu avec la paresse et faiblement. Puis, il tombe dans un péché. Et ce péché-là a tellement d'effet sur son cœur, il se sent tellement mal, il a tellement de remords d'avoir fait ce péché-là, qu'il se repent d'une repentance et qui l'amène à devenir plus fort et meilleur dans son adoration que qu'est-ce qu'il était auparavant. Donc, parfois, dans le péché, il y a un bienfait. Il y a quelque chose de bien qui en découle. Et c'est ça que le cheikh explique ici. Et il dit, كما أن الطاعة إذا كانت سببا للترفع والتكبر ترتب عليها ضرر يعود على صاحبها. Donc il dit la même chose pour l'adoration et l'obéissance. Si l'obéissance et l'adoration est une cause qui va te faire tomber dans l'idée que tu vas t'élever sur les gens, que tu te sens orgueilleux et fier, et bien ça te ramène un mal. Hein, ça te fait du mal. Des fois, tomber dans des péchés, ça peut être une cause qui te ramène à quelques bienfaits. Il dit, لأن أحدهم إذا أذنب تذكر ذنبه تاب إلى الله الذي يقبل التوبة من عباده أما المذنب الذي لا يتوب فإن الذنوب ضرر محض في حقه. Donc le cheikh il dit, donc de tomber dans certains péchés, si ça te ramène des bienfaits, ça vient dans le sens que tu vas faire un péché, tu vas te rappeler de ce péché-là et tu vas te repentir à Allah. Et Allah va est celui qui accepte la repentance de son serviteur. Donc il y a un bien là-dedans. D'accord? Et tandis que la personne qui fait des péchés mais qui ne se repent pas de son péché, alors dans ce cas-là, ça c'est un mal, un pur mal. S'il ne se repent pas de son péché, là dans ce cas-là, il n'y a pas de bien. Et il y a un hadith comme ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et si je me souviens bien, ça dit, yani, si vous ne faisiez pas de péché, hein, si vous ne faisiez pas de péché, hein, Allah subhanahu wa ta'ala vous aurait détruit cette création-là et aurait ramené une autre création qui font des péchés et qui demande pardon. Donc c'est pour dire qu'il y a un bien dans la repentance, il y a un bien dans le péché s'il est suivi de la repentance. Et que parfois le péché peut être une cause justement d'une grande repentance de quelqu'un. Et nous on ne connaît pas la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit « Fafi hadha al-hadith dalilun ala anna wuku' al-dhunub min ba'd al-muslimina yatarattabu alayhi maslahatan tatamathalu bil-inkisari wa-t-tawbati wa-rujoui ila Allah » وإن كانت هذه الذنوب تعتبر ضررا في نفسها ولكن مجرد تذكرها والخوف من الله جل وعلا يجلب مصلحة لأصحابها. Donc il dit dans ce hadith, il y a une preuve que de tomber dans certains péchés, ou que certains musulmans tombent dans certains péchés, qu'il y a des bienfaits qui découlent de ça. Et parmi ces bienfaits-là, c'est que la personne, elle va se sentir brisée devant Allah et qu'elle va se repentir et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en repentance avec des remords. Hein. Et même si ces péchés-là sont un mal pour la personne, mais le simple fait que la personne se rappelle de ces péchés-là et qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça ramène un bienfait pour la personne. Et il dit, وقوله لخفت عليكم العجب فإن الإعجاب بالنفس مهلك لها فالمذنب التائب خير من المطيع المعجب ولذلك لما تعظم إبليس بنفسه حلت عليه اللعنة والطرد من رحمة الله جل وعلا. Tu vois, le cheikh il dit, donc j'aurais craint pour vous العجب, le fait que vous soyez ébloui par vos propres œuvres. Et donc, il dit, le fait de se sentir ébloui de soi-même, eh bien, ça c'est quelque chose qui va te faire périr. Il dit que le pécheur qui se repent est meilleur que l'obéissant qui est ébloui par ses œuvres. Subhanallah. Il dit, c'est pour ça que Iblis, hein, lorsqu'il a été ébloui et qu'il s'est pensé grand et qu'il a été ébloui de son bien, de ses bonnes œuvres, de sa science, hein, eh bien qu'est-ce qui est arrivé par conséquence? Eh bien il a été maudit et il a été châtié de la et rejeté de la miséricorde d'Allah. Hein, c'est ça le résultat de Iblis. Donc il dit وَلَمَّا تَوَضَعَ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ تاب إلى الله ورفعه الله جل وعلا وصار في معصية آدم عليه السلام مصلحة له لأنه تواضع وخاف من الله وتاب إليه. Il dit, tandis que Adam, on a vu sa modestie, il a reconnu son péché et il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah l'a élevé. Et ce péché qu'il a commis, d'avoir mangé de l'arbre, eh bien ça a été pour lui un bienfait finalement, puisque ça l'a amené à la repentance et à être humble et à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à se repentir à lui. Donc ça c'est pour nous dire que, alhamdoulillah, yani, il faut bien comprendre ça, de ne pas se sentir ébloui de ses propres bonnes œuvres qu'on a fait et de se rappeler que si on a commis des péchés, c'est pas la fin. C'est pas la fin de tout. Il y a des gens comme ça, ils ont fait des erreurs. Et dans leur vie, ils ont commis des fautes. Et des fois, quand ils se repentent, ils reviennent à Allah, ils deviennent des musulmans plus forts que des musulmans qui sont grandis dans l'obéissance d'Allah, puis qu'ils n'ont jamais commis de fautes ou de péchés graves. Hein? Moi, je pense à des frères, par exemple, qui sont dans des pays comme, par exemple, aux États-Unis, qui deviennent musulmans, qui étaient dans des prisons, parfois. C'était des gens qui ont fait des gros crimes, hein? Des gros criminels dans les prisons. Et ils se convertissent à l'islam, et ils sortent, et tu vois que quand ils s'accrochent à l'islam, ils s'accrochent à l'islam d'une manière que le musulman qui est grandi dans l'obéissance et dans l'islam, il s'accroche pas à la vérité aussi fermement que celui-là. Donc ça c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse dans les choses. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بارك الله فيكم بارك إن شاء الله.